Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant. Bonjour à tous, c'est Dominique Grandfils, ravi de vous retrouver à nouveau sur British Connection. Je suis toujours responsable du site Maca Club, consacré à Paul McCartney, mais je vais vous parler d'un livre que j'ai publié il y a un peu plus de 2 ans, avec Claude Defer, Pierre Espourteil et Jean-Luc Taforo, un livre consacré à John Lennon, qui s'appelle Number 9, hommage à John Lennon. En 2020, John Lennon aurait eu 80 ans, et cela faisait exactement 40 ans qu'il avait été assassiné. Et nous avons voulu lui rendre hommage à travers un ouvrage qui retrace sa carrière et puis des moments de sa vie importants, bien sûr son enfance à Liverpool, son passage à Hambourg avec les Beatles, et vous retrouverez également la discographie sélective et des discographies non officielles. Il y a même une uchronie écrite par Jean-Luc Taforo qui raconte un peu ce qui aurait pu se passer en juillet 69 après que John Lennon ait eu un accident avec son épouse Yoko Ono. Ça aurait pu, d'une certaine manière, changer le cours de l'histoire. Voilà, pour commencer en musique, je vous propose I Feel Fine, mais enregistré à Paris, au Palais des Sports, avec les Beatles, en juin 1965. Merci beaucoup. Notre prochaine chanson s'appelle I Feel Fine. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her, I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she says so good. I'm in love with her, I feel fine. I'm so glad that you're my little girl. She's so glad she's telling all the world. With me and I feel fine. Je vais vous lire un extrait de Number 9, hommage à John Lennon, publié donc aux éditions AO, André Audemars. Un texte que j'ai écrit en introduction de l'ouvrage. Dans un monde meilleur, John Lennon aurait célébré ses 80 ans ce 9 octobre 2020. Il nous aurait donné son avis sur ce virus qui paralyse la planète depuis des mois, et ses prises de position auraient fait réagir sur les réseaux sociaux. Nul doute que le musicien se serait emparé de cet internet comme d'une tribune pour exprimer ses points de vue sans censure, pas certain cependant qu'il eût été à l'aise avec le politiquement correct. Entre-temps, les Beatles se seraient évidemment reformés, et leur tournée mondiale aurait fait le bonheur des fans et des promoteurs. Malheureusement, l'histoire s'est achevée ce funeste 8 décembre 1980. Pourtant, Lennon était prêt à reprendre le cours de sa carrière. Il venait de publier un nouvel album après quelques années de silence et était sur le point de se lancer dans une série de concerts qui le ramèneraient en Grande-Bretagne. Le geste insensé d'un imbécile nous a privés de tant de moments. Car John avait des choses à dire et de belles chansons à écrire. Il subsiste son héritage musical et artistique toujours présent. Voilà. Pour continuer en musique, je vous propose un extrait des sessions de Let It Be, une version donc studio de Don't Let Me Down. J'espère que vous avez vu le documentaire Get Back, très intéressant, en plusieurs épisodes. On voyait un groupe sous tension, qui avait des soucis, mais dès qu'ils se mettaient à jouer ensemble, on retrouvait la magie et la complicité entre les musiciens. British Connection, just rock! Don't let me down! Pourquoi ce livre Number 9? Parce que Number 9, c'était le chiffre qui a collé à la peau de John Lennon de sa naissance jusqu'à son décès, puisqu'il est né le 9 octobre et il a été assassiné le 8 décembre 1980, mais avec les fuseaux horaires, on était déjà le 9 décembre dans son pays natal, l'Angleterre. Et il y a aussi son morceau expérimental sur l'album blanc Revolution 9. Et puis ensuite, en solo, il a composé Number 9 Dreams. Voilà, le livre Number 9, hommage à John Lennon, est toujours disponible sur le site des éditions AO.

qui se lèvent devant nous, tous les restes du cœur et toutes nos petites sœurs, toutes les folles mal rasées, les poètes révoltés, les clous déconnectés et les jongleurs masqués, le front de libération de tous les animaux, les combattants martiaux, le front des marginaux. Les rebelles, les dissidents du ciel, Nicolas Paponel et même la mère Michel, les millions de pratiquants vêtus de kimono blanc, et toutes les vieilles chinoises qui font du tai chi chuan, et les joueurs de flûte, les détenus qui luttent, l'insoumis en cavale, les amazones à cheval, les médecins sans frontières, les jeunes ouvrières, descendants de la rue avant tout soir perdu. Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. All Good a été totalement écrite à la guitare acoustique, à tel point qu'au moment de l'enregistrer, je n'ai plus su m'en défaire, et donc j'ai décidé de garder cette guitare qui apporte quand même pas mal de dynamisme au couplet. Ce morceau est très influencé par les Lemonheads. Evan Dando et Tom Morgan sont pour moi les deux songwriters par excellence. British Connection. British Connection. British Connection. I don't really wanna see. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Salut, c'est Archimède. On est de retour et on vous propose d'écouter maintenant Rebu, le premier single de notre prochain album. Dans British Connection, avec Philippe. Cueille en forêt.